Ya bunze ki kunsongila zila yo. Kunde voke la puna walufwa la puna bidilu. Eya mujofo kuwa munu, manga munu kwenda wapi? Ege, mkuta kite, na kachuku samlila, wapaka fiza ya kumaroko. Fika muna shiri, memu fiza ya maroko. Mbonde manayo, mamaku, chimili komsa. Placé en trois pièces, fais un playboy. T'as pas rachou dans l'assiette, la célibat Hugo Boss. Kukuta, mais les autres temps. Piluka, faut attendre un bon bon état. Bon imam, on va pipa, on va t'en pipa ni baya. Kenanji, un petit gars. Pour faire chikanji, faut attendre. Pour dire bobo te, faut ni mbongo. Pour chitou mokanda, faut ni mbongo. Pour que le tungi sa, faut ni mbongo. Même au quella, faut ni mbongo. La jeunesse, c'est bruit dans mon playlist. J'ai des chicotés, les mêmes goûts de glisse. Bagatia, ja, et qu'à fat sweet, compagnie, j'ai kengi, là-bas, y'a qu'à showbiz. Le patriarche, c'est en tout cas, mettez-vous en Stone Kira, Bini Bini, mettez-vous en mes enfants, Moussaki, gauche, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, droite, chete kumuno anjo kia rembo makanda makanda ni samu kwa manyongo na leo ni mpashi kwa bika bukolo kumela lujingu shima luzolo jiti sama pipa mbangi za ntuto nungu kasalo apika leo ape hui nipa uba zonza baku jiti sa ipi baku kaila nipa uba finga baku losa afa mba kuzangula mbongo ni fumo salu ni tata salu ni mama mbongo ni fumo salu ni tata salu ni mama mettez-vous en mon président c'est un smurf. Mettez-vous en mes enfants. Gauche, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. What up? Fix, what up? Fix, what up? Fix, what up? Allez, donne, donne, donne. Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. Jeannine Da Costa monte ta queue bagarre photo au paradis.